On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos mères. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm the girl, I bet you know. Wow! On the rocks. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars! Wouh! Chers amis US, chers amis de tout poil et de tout sexe, bienvenue dans The Rocks, comme tous les lundis soirs ou presque, après une petite pause de vacances, ça y est, je suis revenu, c'est tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30. Ce soir, une émission bien remplie avec une interview de Kiwi Junior enregistrée lors du festival Hop Hop Hop, et puis pas mal de nouveautés pour ouvrir. Vous pouvez écouter cette émission sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel en direct les lundis soirs, en rediffusion sur ZEF à Blois et quand vous voulez sur ontherocks.net. Il y aura un petit coup de rétroviseur aussi pour les 30 ans. Mais d'abord, on va commencer par un peu de rock'n'roll. Oh, I did rock'n'roll. C'était évidemment, on ne pouvait pas commencer On The Rock sans rendre hommage au killer qui a trouvé plus fort que lui en la personne de la mort elle-même, puisque Jerry Lee Lewis vient de casser sa pipe. Le morceau que vous venez d'entendre était un duo avec Jimmy Page à la guitare qui avait composé ce morceau pour Led Zeppelin, Rock and Roll, mais ça lui allait comme un gant à Jerry Lee Lewis. Ça date de 2006 sur cet album qui s'appelait Last Man Standing, où il y a pas mal de duos avec des gens comme Neil Young, Bruce Springsteen, les Stones, Ringo Starr, enfin tout le monde vient rendre hommage au killer. Jerry Jerry Lee Lewis qui a révolutionné, c'est le moins qu'on puisse dire, le jeu de piano et le rock and roll dans les années 50. C'était un des pionniers, avec c'était le dernier d'ailleurs pionnier, avec Little Richard, Chuck Berry évidemment, Carl Perkins, toute cette flopée là qui allait influencer ensuite Elvis Presley et par ricochet les Beatles. Et bien Jerry Lee Lewis, voilà, vient de casser sa pipe. Il avait 71 ans au moment où il enregistrait cet album en 2006. Et voilà, le Killer, il était surnommé. Il faisait brûler ses pianos. Il avait la mauvaise idée de se marier avec sa cousine de 13 ans alors qu'il en avait 20, ce qui a ruiné un peu sa carrière et a légèrement freiné sa carrière. Mais à part ce côté obscur et assez obscur quand même de Jerry Lee Lewis, ça reste un très très grand du rock'n'roll qui vient de partir. Donc c'était ce rock'n'roll donc qui n'était pas un de ses morceaux, mais avec lequel on a commencé cette émission On The Rocks, qui va être remplie justement de rock'n'roll ce soir. Et du rock'n'roll, il y en aura jeudi prochain, le 10 novembre. Ce sera à l'Astrolabe d'Orléans, une petite salle sympathique si vous ne la connaissez pas. Il y aura un concert qui va bastonner grave avec les Cold Blood, et puis les Strand Commands et les Buxom Blade, deux groupes aux figures Blutch. Il va bien dormir, à mon avis, jeudi soir, Blutch, après ces concerts-là. Eh ben, on va se passer un morceau pour vous donner l'eau à la bouche et pour vous donner envie d'aller écouter ces trois groupes à l'Astro jeudi soir, donc jeudi 10 novembre. On va commencer avec les Buxom Blades et une nouveauté que Blutch m'a fait la gentillesse de m'envoyer. Ça s'appelle All the Whales Coming to Shore Are Sick. Et peut-être qu'il y aura un morceau des Buxom Blades pour les 30 ans d'On The Rocks le 12 décembre prochain pour l'émission spéciale. On en reparle un peu plus loin. Mais voici donc le coup de cœur ce soir. Buxom Blades, All the Whales Coming to Shore Are Sick. Et puis juste après, ça va plaire à pas mal de gens et à Duduche en particulier. Ceci n'est pas une vraie baleine. À mon avis, c'est fait avec une guitare. Vous êtes dans The Rocks. Tell me you don't know, don't tell me you forgot. Just asking, are we coming from or going to? Complexity. Les années passent, les noms de groupes ne sont jamais les mêmes, mais la classe du garçon reste toujours assez insolente. Il y a eu les Roadrunners, bien sûr, et oui, Duduche, il y a eu les Kingsmen, et maintenant il y a les François 1er. Mais derrière tous ces noms, il y a quelqu'un qui a fait aussi une carrière en solo, assez différente d'ailleurs. C'était Frandol, évidemment, avec un morceau donc des François 1er qui n'ont toujours pas sorti d'album car ils sont très perfectionnistes quand vous voulez les gars. C'était Alone With You et juste avant c'était les Buxom Blades avec All The Whales Coming To Shore Are Sick qui joueront jeudi prochain, le 10 novembre, avec les Strong Commons et les Cold Blood. Ce sera à l'Astrolabe d'Orléans. Voici un groupe qu'on attend toujours de pied ferme en concert, qui viennent de finaliser, enfin ça fait un moment maintenant, leur dernier album qui s'appelle New Phase, qui est vraiment, vraiment... peut-être leur meilleur, c'est vrai, assez imparable. Il s'appelle les Sequoia Fever. Vous allez me dire, c'est pas la première fois qu'on en entend parler dans The Rocks. Non, pas du tout. Ce n'est pas la première fois, mais je récidiverai tant qu'ils feront ce type de musique-là. À noter qu'il y aura une émission le 12 décembre prochain. Ce sera un lundi soir et ce sera une émission pour fêter les 30 ans de On The Rocks avec une émission spéciale où j'ai demandé à des artistes qui me sont chers et qui ont marqué les 30 ans de l'émission de m'offrir une reprise d'un artiste, d'un groupe, d'une chanteuse qu'ils apprécient. Alors j'ai des petites merveilles qui m'arrivent et là il y a un groupe qui ressemble fortement au Sequoia Fever, un peu plus poilu, peut-être un peu plus velu, qui s'appelle les Suckles et qui viennent de m'offrir un morceau qui sera le clou du spectacle, peut-être le 12 en tout cas, qui ouvrira cette émission spéciale. Le morceau s'appelle 30 Years Ago. Si ça vous dit quelque chose, moi ça m'a dit quelque chose avant d'ouvrir le fichier et j'en ai eu la confirmation. Les Suckles, alors ça ressemble un peu à... Moi je serais les Sequoia Fever, je ferais un petit procès, ça peut rapporter un peu des pépettes. En attendant, eh bien, je vous passe un extrait de leur dernier album, c'est Sequoia Fever, qui s'appelle Slow Brain, c'est tiré de l'album New Phase. Il est formidable, courez-y. Et c'est une nouveauté, c'est On The Rocks et c'est du rock'n'roll. c'est pas la grosse classe. Nous avons eu d'abord les Sukkoi Fever avec Slow Brain tiré de leur dernier album. Et puis à l'instant, c'était un groupe que je découvre en ce moment et je me régale. Ça s'appelle Mean Circle. C'était pas Kanye Rhodes tiré de leur dernier EP. Et ce groupe, ce n'est pas n'importe quel groupe puisque à sa tête, il y a un guitariste chanteur fort sympathique au demeurant qui s'appelle François Pedro et donc talentueux comme vous pouvez le constater sur ce morceau. Et ce fameux François Pedro, allez, d'habitude, je mélange pas trop les étiquettes, mais peut-être vous le savez pas, je m'appelle Manu, animateur d'On The Rocks, mais je m'appelle en vrai Emmanuel Bourdier, et je suis auteur également de romans, et je sors un roman chez Flammarion, ça sera au mois de janvier, et ça racontera l'enfance de John Lennon, ou en tout cas, une autobiographie rêvée de John Lennon à 11 ans. Et j'ai rêvé une petite soirée pour fêter la sortie de ce roman qui me tient très très à cœur. Vous savez à quel point je suis fan des Beatles. Et ben cette soirée aura lieu au mois de janvier. Ce sera le 20 janvier à Blois. Et il y aura une lecture par moi-même, hein, par ma pomme. Je vous lirai les 7 premiers chapitres du roman. Et entre les chapitres de ce roman qui s'appelle John, donc. Eh bien, François Pedro, le chanteur que vous venez d'entendre des Mean Circle, eh bien, jouera des petits morceaux, des petits fragments de morceaux de John Lennon et des Beatles pour m'accompagner. Et puis juste après, eh bien, il donnera un petit concert de chansons des Beatles accompagné par le grand Mark Minnelli. Donc voilà, c'est une belle soirée, ça me réjouit. Et voilà, il est en train de bosser des petits morceaux, il m'envoie ça régulièrement. Donc François, si tu écoutes l'émission, merci encore. Et puis surtout, merci pour cette super musique qu'est celle des Mean Circle. On en repassera évidemment des morceaux et des gros gros bouts dans The Rocks dans les semaines à venir, à n'en pas douter. Vous savez que l'émission donc a 30 ans cette année, émission spéciale le 12, avec bah voilà, pour les artistes qui le souhaitent, m'envoyer bah tiens d'ailleurs François, hein, si tu écoutes, n'hésite pas à m'envoyer une petite reprise pour cette émission du 12 décembre. Et moi j'ai déjà reçu pas mal de belles choses, et puis c'est l'occasion toute cette année de regarder dans le rétroviseur et de se souvenir un peu de choses et de moments qui ont traversé et qui ont illuminé cette émission On The Rocks. C'est le moment de s'y replonger maintenant. J'ai eu 30 ans. Radio show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, On The Rocks. Alors il y a des groupes comme ça dans les 30 ans d'On The Rocks qui ont jalonné cette émission et que j'ai rencontré à plusieurs reprises, les rencontrant et les interviewant à différents moments de leur carrière. Alors bien sûr, les Sukkoi Fever et Scalissa, alors ça on n'en parle plus puisque ça fait vraiment beaucoup de fois. Il y a eu également David Feknam qui va revenir, oui, je vous annoncerai ça un peu plus tard. David Feknam qui a beaucoup traversé cette émission, Natalia M. King évidemment, et puis il y a un groupe internationalement renommé que j'ai eu la chance d'interviewer 3 fois en 30 ans, à peu près à chaque fois, allez on va dire à une petite dizaine d'années d'intervalle, ce qui m'a permis de voir les révolutions. Ce groupe, c'est Nada Surf, groupe qui était d'abord un trio qui est maintenant un quatuor, new-yorkais, mais pour Daniel, le bassiste, et Matthew, le chanteur, d'origine, en tout cas pour leur maman, je crois, respective, française. Donc ils parlent totalement bien le français, ils sont totalement bilingues, ce qui facilite un peu les interviews. Première interview, eh bien c'était une interview à une époque où ils étaient en plein succès mondial. Ça, ils surfaient sur le succès de Popular. C'était une bien belle rencontre déjà et j'avais pu mesurer à quel point ils étaient sympathiques. Et puis la deuxième, c'était un moment où ils avaient, je crois que c'était au plan Henri Soringis, une interview que j'avais enregistrée là-bas, où ils avaient des gros problèmes avec leur maison de disques, où ça se passait vraiment pas très bien. C'était un peu le creux de la vague. Matthew, le chanteur, m'avait accordé une interview très chaleureuse comme d'habitude, mais un peu désabusée à cette époque-là. Pour joindre les deux bouts, il était vendeur de disques à New York. Et puis la troisième fois, c'était lors de leur passage au jour J, à l'époque où ça existait encore à Orléans. C'était au Campo Santo avec un magnifique concert. Et là, j'avais Daniel et c'est une mini conférence de presse. Je n'étais pas tout seul. Il y avait Daniel et Matthew que j'avais eu le plaisir de retrouver et qui m'avait à nouveau accordé une interview. C'est un petit fragment de cette interview qu'on va se diffuser maintenant pour se souvenir. Alors malheureusement, la dernière fois qu'ils sont passés à l'Astrolab, bah, pas d'interview. J'ai conversé un petit peu avec Mathieu par SMS, mais pas d'interview. Et c'est, je le regrette un peu, mais j'espère les retrouver pour une quatrième interview, parce que l'émission va pas s'arrêter à 30 ans. J'espère que ça va continuer encore un petit peu. Donc voici peut-être le groupe que j'ai interviewé le plus dans l'histoire d'On The Rocks. C'est donc Nada Surf avec une petite archive qui nous replonge il y a quelques années en arrière. La dernière fois on s'était rencontré, tu m'avais parlé de Cupid de Sam Cooke. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous tendez plus vers ce genre de d'épure magnifique que vers. Je suis à la fin de la journée, je suis beaucoup plus intéressé dans les Everly Brothers que dans n'importe quel groupe moderne. En général, c'est vraiment ça, c'est le top. Le top, c'est quand il y a les mêmes trois accords qu'avant. Et la plupart de nos chansons, c'est les mêmes trois ou quatre accords. C'est juste qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Et c'est là où on met notre truc. Et c'est pas fait exprès. C'est pas dire que la musique est meilleure s'il y a trois accords. C'est juste simplement que ça que j'aime, ça j'aime beaucoup. To make a mountain of your life is just a choice. But I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time. Always love. Don't wait till the finish line. Jeremy de la groupe Rock Kiwi Junior, ceci est On The Rocks. Ça make sense? Okay. Unspeakable things. C'est ce qu'on appelle un groupe prolifique, jugeant sur pièce, 3 albums en 3 ans. D'abord Football Money en 2019, Cooler Returns, qu'on s'est beaucoup diffusé dans The Rocks en 2021, et Shopper en 2022. Ce groupe, c'est un groupe qui s'appelle Kiwi Junior, un quatuor qui nous vient de Toronto, au Canada, et ils ont eu la bonne idée de jouer, en tout cas Mathieu Dufault, le programmateur de Pop Up, a eu la bonne idée de les programmer, ils auraient déjà dû venir, et puis le Covid en avait décidé autrement. Et bien ça y est, enfin, ils ont joué pour clôturer, assez tard d'ailleurs, c'était à la fin du festival Pop Up au Théâtre d'Orléans. Et donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer le chanteur, guitariste, compositeur de Pop-Up qui s'appelle Jérémy, extrêmement sympathique. Et ça a fait une petite interview. Alors, si les 2 premiers albums étaient très, allez, on va dire power pop, le 3e, vous avez pu en juger sur pièce avec ce que vous avez entendu, il y a un peu plus de synthé, il sonne un peu plus années 80, mais il y a quand même des très très bons, quand même, dès que je dis synthé, je dis quand même, mais non, il y a des très très bons morceaux sur cet album qui s'appelle Shopper. Donc c'est vraiment une œuvre de 3 albums que je vous invite à découvrir. Si vous avez un petit coup de mou, si vous avez un petit coup au moral, un peu à l'instar de Pete Blom qui ont joué également et que vous pouvez retrouver en interview sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale, comme l'est déjà l'interview de Kiwi Junior qu'on va se diffuser maintenant, elle est déjà en ligne. Eh bien, si vous avez un petit coup de mou, un petit coup au moral, branchez-vous sur Kiwi Junior et ça va vous faire du bien. On va donc retrouver cette interview de Kiwi Junior qui a été enregistrée dans les loges du festival Hop Hop Hop. Et un grand merci à Jean-Philippe qui non seulement est chargé de com, organise les interviews, mais en plus là a joué les traducteurs de luxe et il le fait très bien. Donc merci à lui. Les questions, bah, je les traduis moi, mais les réponses ont été traduites instantanément par Jean-Philippe. Ça m'a fait du travail en moins et puis ça m'a fait plaisir de bosser avec Jean-Philippe. Voici la première partie de l'interview du chanteur leader des Kiwi Junior qui s'appelle Jérémy. C'était enregistré au mois de septembre dernier. Hello. Hi. Tu vas jouer sur scène très bientôt. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition d'un concert de Kiwi Junior? Well, there's good ones and there's great ones. Et il y en a des encore meilleurs. And I really hope this is one of the great ones. J'espère que ce sera un des meilleurs. And I think it's going to be a great one because it's midnight and we do better at minuit. En général, on est meilleur quand c'est tard. Okay. Your last album is a bit different from Cooler Returns. Le dernier album est un peu différent de Cooler Returns. More 80s maybe. Un peu plus 80s avec plus de synthé. Was it a will on? Est-ce que c'était une volonté de votre part ou est-ce que c'était une évolution naturelle? Well, we worked with a lot of different people on this record. On a travaillé avec beaucoup de gens différents sur ce disque. Different studios. Différents studios. And because of you know, COVID and the times, the writing process was a little different. Avec le COVID, c'est vrai que le processus d'écriture a été un peu différent. So I actually wrote a lot of the songs on keyboards instead of guitar. Beaucoup de titres au clavier. And you know, that's some of that's just from, you know, being at home more often and. C'est tout simplement du fait que j'étais plus souvent tout seul à la maison. Yeah, just, you know, picking up a different instrument, playing around. Et essayer de prendre différents instruments, jouer comme ça. Yeah, and the producer as well, Dan Beckner. Et Dan Beckner, le producteur. He's a guy who's been using synthesizers for a long time. C'est vrai qu'il a eu l'habitude d'utiliser les synthétiseurs depuis longtemps. Yeah, and he definitely left his mark on the record as well. Et puis c'est vrai qu'il aime ça. l'instant, c'était Night Vision de Kiwi Junior. Et ce soir, Kiwi Junior est en interview dans On The Rocks, enfin plutôt son leader, chanteur, guitariste, Jérémy. Vous publiez un album par an et le robinet de l'inspiration semble ne jamais se tarir. Well, not yet. Jusqu'à présent, non. I don't know. After the last record, people were asking, is there going to be another record next year? And après I said no. Après le précédent disque, les gens disaient, mais est-ce qu'il va y en avoir un que dès l'année prochaine? And I said no, but then this record came out, and et so maybe. Est venu quand même. So maybe next year, I say no now. Alors que peut-être que l'année prochaine, je dirai aussi non, mais yeah. Peut-être de l'année prochaine, ok. Returns, le nom qui donne le nom du morceau qui donne le nom du deuxième album de Kiwi Junior, qui pour moi est leur meilleur. Vraiment, cet album est impeccable, imparable. Les deux autres, le précédent et le suivant, le dernier en date, sont très bien aussi, mais celui-là est vraiment très très bien. Et on retrouve Jeremy, le leader des Kiwi Junior, en interview dans The Rocks. Alors tu es seul, on va pouvoir parler. Est-ce que Kiwi Junior est un groupe démocratique? Yes, very much so. Oui, c'est totalement démocratique. Yeah, I mean, different people contribute different things. Différentes personnes contribuent à différentes choses. But at the end of the day, if somebody's not really not happy with something, si quelqu'un n'est pas content de quelque chose, it's not going to go forward. Eh ben, on va pas plus loin. Les albums précédents étaient parfaits pour danser sous le soleil. Pourquoi pas, c'est mon avis. Mais celui-là donne envie de rouler la nuit en voiture. Est-ce que je me trompe? I just want to ride a car at night. Am I wrong? No, you're right. Night record. Yes, very much so. And that was the goal. And when we started writing it... We were watching a lot of films that took place at night. On a regardé beaucoup de films qui se passaient pendant la nuit. And you know, artwork and everything just kind of to take us in that direction. So we're happy that you think that because that was the goal. On a pris cette direction, donc on est très content que tu dises ça. I'm not alone in the car. Okay. Toujours de Kiwi Junior et toujours Kiwi Junior en interview dans The Rocks, enregistré lors du festival Hop Hop Hop à Orléans. C'est maintenant, c'est la suite. In the studio, are you very spontaneous? En studio, êtes-vous très spontané ou particulièrement perfectionniste? Ça sonne comme spontané, mais peut-être pas. Maybe not. Well, I think it's a mix of both. C'est un peu des deux. I almost said Parska. I'm getting into things here. It's a bit of both because you have to be really on top of what you're doing because it's very expensive to be in a studio. C'est un peu les deux parce que bon, tu dois être au top de ce que tu fais, puis c'est quand même très cher d'enregistrer. And you know, you're working with everyone's schedules. You know, the producer's only there for a week and things like that. Les agendas de tout le monde. But at the same time. if something sounds good, even if it wasn't in your plans, you keep it and you work with it and you pursue it. Évidemment, si d'un seul coup tu sors quelque chose qui est chouette, même si c'était pas dans le planning, bah évidemment tu poursuis. Yeah, there's lots of examples on this record where something happened by accident. You know, somebody came in at the wrong time. Quelqu'un arrive au mauvais moment avec un riff de guitare. And everyone says, "Stop! What was that? That's really good. Let's do that again." Mais c'est ça. On va refaire ça. So that leads to new spontaneous things. Donc c'est vrai que c'est aussi spontané. Et quelle fut la chanson la plus spontanée sur le dernier album? I would say the song The Extra Sees the Film. I had the song written fully, but we didn't have it arranged. C'était des chansons qui étaient pleinement arrangées, qui étaient pleinement écrites, mais on les a pas arrangées. Yeah, and so. We didn't know if it was going to be synth heavy, guitar heavy, you know, or what really tones were going to work. On ne savait pas vraiment si ça allait être très fort en synthé, très fort en guitare, dans quelle tonalité on allait la jouer. And you just start throwing stuff down on tape, and then eventually you have enough, and then you can start to, when you mix it, you can take stuff out, bring stuff back in. Tu mets les choses, tu enregistres, et puis tu prends chaque élément, tu mixes, et puis ça donne la chanson. Everything. un des grands morceaux de Cooler Returns, le deuxième album, c'était Made Marian's Toast. Et puis juste avant, c'était le choix de Jérémy, chanteur des Kiwi Junior. Je n'aurais pas choisi ce morceau-là, moi, The Extra Seas, The Film. Tout ça est tiré d'un des trois albums de Kiwi Junior. En l'occurrence, le dernier pour le morceau juste avant. Et puis, le dernier morceau en date, le deuxième album. Je me comprends. On retrouve donc Jérémy des Kiwi Junior en interview. Et le dernier album se termine par un morceau assez long, ce qui est rare chez les Kiwi Junior, un morceau un peu mystérieux qui s'appelle The Masked Singers, le chanteur masqué. Mais qui est le chanteur masqué? Alors peut-être une révélation ce soir, qui est le chanteur masqué? Well, it depends on which season of the television show you watch. Ça dépend quelle chaîne de télévision. Yeah, I don't know. Je sais pas. Moi je sais pas. Just of the game. c'est le principe du jeu. Ok. Peering through The Masked Singer, qu'on va un peu couper un petit peu dans The Rocks. On va avoir le temps d'écouter la suite de l'interview de Jérémy des Kiwi Junior, qui n'envisage pas du tout de continuer la musique coûte que coûte. Il a une passion bien plus importante, il va nous la dévoiler maintenant. Have you got a dream of collaboration? Avez-vous un rêve de collaboration? Well, this is a boring answer, but ça va être une réponse un peu chiante, mais. But we really wanted to work with Dan Beckner. Mais on aimerait bien travailler avec Dan Beckner, celui avec qui on a travaillé. On voulait travailler avec lui même avant notre premier album, on lui avait envoyé nos premières démos. And he really liked them, and we put in a motion, a plan into motion to work together, and it took this long, but you know, that was something we were looking forward to. Il les avait aimés, il avait dit oui que ça se ferait, mais c'est vrai que ça a mis du temps. Can you imagine your life without? Peux-tu imaginer une vie sans jouer de la musique? Yes. Oui. Yes. Oui, oui. Sometimes it's very stressful. Des fois, ça fait oui, c'est un peu flippant. Yeah. What are you going to do? Spend more time with my dog. Je pense que je passerai plus de temps avec mon chien. Maybe get another. Peut-être que même que j'en aurai un autre. Invitation to join you at the shoreline. Come and meet your new relations. Take it easy, man, on the white wine. If you're sewing wings to your dress, hey, you better come clean, princess. Enjoy the celebration. Retire D'abord, encore Frandol des Roadrunners, décidément, c'est l'émission avec Hey Bulldog, cette reprise des Beatles. Bah oui, il parlait de son chien, j'ai pas pu résister. Et puis juste après, c'était Kiwi Junior avec Nashville Wedding. Je leur ai posé une petite question que je pose assez régulièrement à des artistes. Et bah, j'ai été un peu surpris de la réponse et en même temps assez enchanté. La voici, la voilà. What is... Quelle est pour toi la chanson d'amour parfaite? Wow, that's a good question. Voilà, c'est une bonne question. The perfect love song? La chanson d'amour parfaite. I don't know about perfect, but I can tell you something that comes peut-être to mind. Peut-être pas parfait, mais ce qui me vient à l'esprit. I really like this is so cheesy. C'est tellement facile. But I really like the U2 song With or Without You. J'aime bien la chanson du U2 With or Without You. Especially in the television show The Americans. Particulièrement dans l'émission télé The Americans. Les Américains. In the last episode, they play dans le dernier épisode, elle arrive. Et c'est fort. Ça fait battre le cœur. Stones in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, the better nail she makes me wait, and I'll wait without you. With or without you, through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. Weather Without You de U2 dans sa plus belle version peut-être tirée du film Rattle and Hum. Si vous avez l'occasion d'écouter des lives de U2 de cette époque-là, de la tournée Joshua Tree, et ben, c'était vraiment un très très grand groupe et un très grand groupe de scène. Alors évidemment, on a du mal à se faire à l'idée maintenant, mais c'était vraiment quelque chose. Je vous conseille d'écouter le live où j'étais d'ailleurs. J'étais ado, j'avais 15 ans, mais le live à l'Hippodrome de Vincennes qu'ils avaient donné en 1987 lors de la tournée Joshua Tree, c'était absolument magnifique. Et juste après, c'était Kiwi Junior avec Swimming Pool qu'on retrouve maintenant tout de suite en interview. Imagine que je ne connaisse pas le groupe et que tu me proposes un morceau qui est le plus symbolique de ce que vous faites, votre carte d'identité. This is Kiwi Junior. The one song? Yes. La chanson. Well, I'm going to say a song off of our new record. Je devrais dire une chanson de notre nouvel album. It's called Clerical Sleep. Clerical Sleep. Why is I just think it's kind of a mix of what we do best. C'est peut-être un mélange entre ce qu'on fait le mieux de ce qu'on fait de mieux. Yeah, there's a lot of it's got a good rhythm to it. Il y a un bon rythme. Lyrics are pretty, you know, indicative of what I'm good at. Paroles assez représentatives de ce que je sais bien faire. It's like 3 minutes. C'est 3 minutes. Yeah, it's good. I think it's a good one. Ouais, c'est une bonne chanson. Are you already imagining the rest of your adventure? What will Kiwi Junior music sounds like in the years to come? Well, I don't know yet. Je sais pas encore. Something that's interesting is, ce qui est intéressant, you know, c'est que nos deux premiers disques, siblings, yeah. And this third record sounds a little bit different. Yeah. C'est vrai qu'après, c'est un peu différent. When we go to start writing the fourth record, I don't know if we're going to follow suit and make another kind of sibling record, or whether we'll do something crazy and make a country record. On ne sait pas si on va continuer à faire de nouveau ça, ou est-ce qu'on va faire un disque de country, de lounge. Maybe you're going to bring your dog to sing with. Yeah, he's in our album artwork. Le chien est déjà dans le disque, mais dans l'artwork. He's in one or two music videos so far. Et aussi sur les clips. Maybe it's the masked singer. It's him, maybe. Yeah, except he's very quiet. Oui, si ce n'est qu'il est très calme. Yellow together. It felt so good to be home, but leaving feels even better. They're building this powerful magnet to disrupt the rhythm of my heart. King Junior encore avec Clerical Sleep dans The Rocks. Merci beaucoup à Jean-Philippe et à toute l'équipe de Pop-Up pour cette interview des Kiwi Junior qui a été enregistrée en septembre dernier lors du festival au Pop-Up. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'intégrale de l'interview sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Et puis l'intégralité de l'émission que vous êtes en train de ouïr à l'instant, elle sera en ligne d'ici la fin de la semaine, mercredi normalement. Si tout va bien, on va terminer avec le dernier petit bout d'interview. Et puis je vous dis d'ores et déjà au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine dans The Rocks avec une bien belle émission encore, puisque ce sera une interview du fabuleux trio de blues guadeloupéen cosmique Del Grez. Ce sera la semaine prochaine dans The Rocks. Bye bye, ciao, et notez sur vos tablettes d'ores et déjà le 12 décembre, lundi 12 décembre, émission spéciale 30 ans dans The Rocks avec une flopée d'artistes qui m'ont fait la gentillesse et l'honneur de m'envoyer des morceaux enregistrés spécialement pour l'émission. Ça fait plaisir. Voici donc pour la dernière partie de l'émission de l'interview de Kiwi, je ne sais plus ce que je dis, de Kiwi Junior. Et je vous dis bye bye, rendez-vous à la semaine prochaine, 19h, 20h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, en rediffusion sur ZEF et égal à Blois, et également sur le site ontherocks.net et le site Radio Arc-en-Ciel également. Ciao, à la semaine prochaine avec l'émission spéciale Del Grez. Et pour finir, la question la plus difficile, est-ce que tu pourrais nous chanter une petite chanson en français? Oh, I thought you were going to ask me to sing one. Yeah? No. Oh, but you don't have a song you wish for me to sing. You want me to? No, it's as you want. Oh, well, this isn't live, is it? I can take a minute and think of this. No, that's enough. Okay, wait. A French song? Yeah. Okay, I got this. Give me 1 second. I'm trying to think of a Gainsbourg song I know. I don't know. Vous connaissez le nom de Jesse James. I don't know the next line. But I know that's the first line of the song. Yeah, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Thank you very much. Have a good show tonight and thanks for your music. Okay, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe pour cette traduction formidable. Take the pill, I'll sleep on the window. maintenant je suis toujours là. Rémi de la rédaction du sport est un tout petit peu à la bourre, donc je tiens l'antenne jusqu'à son arrivée. Et bien encore une occasion de rendre hommage, comme au début de l'émission, à Jerry Lee Lewis qui nous a quitté il y a peu. Et bien voici encore un duo, le vieux killer Jerry Lee Lewis qui a été tué par la mort qui tue, hein, depuis quelques jours, en duo avec un morceau de Bruce Springsteen qui s'appelle Pink Cadillac, et il est en duo avec Bruce Springsteen, logique. Come on, come on. Well, now you may think I'm a fool for the foolish things I do. You may wonder how come I love you when you get on my nerves like you do. Well, baby, you know you love me. Ain't no secret about that. But come on over here and love me, baby. Show you where it's at. Shake it, baby, shake it. I said, shake it, baby, shake it. Yeah. Now let's go one time. Hey!